Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillées de prière, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Bonheur conjugal, et nous sommes avec M. Alobé Afis. Bonjour. Bonjour frère. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Au menu, la nouvelle Sorbonne. Nous sommes donc là pour annoncer le dîner gala à l'attention des couples mariés. Voilà, qui aura lieu le 22 février 2020. Et ce dîner gala est un cadre vraiment qui a été créé par le couple Ngoubi, qui n'est plus à présenter. Et ce cadre permet aux couples mariés de s'épanouir. Voilà, nous sommes à la 4e édition et depuis 4 ans, nous faisons que du bonheur dans les mariages, dans les couples, un peu partout ici à Abidjan et souvent même à l'intérieur du pays, pour ceux qui nous rejoignent. D'accord, le thème de la rencontre ? Cette année, le thème c'est « Flamme d'amour ». Voilà, oui, parce flamme que, d'amour, quelques explications. Oui, parce qu'on constate qu'après le mariage, les couples perdent de leur superbe, de leur glamour. Voilà, parce que très souvent, c'est les couples chrétiens qui sont confinés entre le travail, l'église, la maison. Et là, nous leur permettons de pouvoir trouver un cadre où ils pourront bien s'épanouir, c'est-à-dire sortir, revenir à leur premier amour, raviver la flamme, surtout. S'épanouir spirituellement. Spirituellement, bien sûr, mais socialement aussi. Pour y participer, qu'est-ce qu'on fait ? C'est simple, pour y participer, il suffit simplement de contacter deux numéros que je vais vous donner. Le 07 95 02 94 ou le 59 47 50 05. Il faut demander Monsieur Traoré. Et puis il suffit de. D'accord, les couples mariés. Oui, on parle de couples mariés. En général, les couples mariés, c'est d'abord les couples qui ont fait le dot, qui ont respecté les cadres, parce qu'il faut se soumettre aux autorités de l'État. Les contacts, je répète, 07 95 02 94 et 59 47 50 05. On demande Monsieur Traoré. Merci beaucoup, Monsieur Alobé Afis. Je vous en prie. Que Dieu bénisse. Beaucoup. Merci. Amen. Geste Mané, 11e édition. Et pour en parler, nous sommes avec l'apôtre Jules Arugis Joseph. Bonjour. Bonjour, Chrysostome. Et nous saluons les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Et nous sommes là pour annoncer au peuple de Dieu que la 11e édition de Geste Mané aura lieu ce samedi 15 février 2020 à partir de 8h30. D'accord. C'est pas à 8h30 qu'il faut quitter la maison. Quel que soit le temps qu'il fera, Geste Mané aura lieu. 11e édition, si l'on vous demandait de faire un bilan partiel, que diriez-vous rapidement ? Simplement une action de grâce, dire merci au Seigneur, parce que Dieu s'est montré encore fidèle. Et le thème de cette fois-ci, c'est « Mes géants tomberont devant moi », tiré de 1 Chronique 20, les versets 4 à 7. Bien, nous parlons de géants. Un géant, ça peut être un être surnaturel. Ça peut être l'homme fort de la famille, ça peut être une situation qui se dresse au-devant de vous pour vous empêcher d'avancer. Mais quand nous nous fions au texte, nous voyons qu'il y a trois types de géants que nous n'avons pas encore abattus. L'exemple, il y a les frères de Goliath. Donc, tout cela, nous allons traiter ce samedi. Dieu m'a fait la grâce d'être le seul orateur. Il n'y a pas de disposition particulière. Vous pouvez être à jeun. Si vous n'êtes pas à jeun, nous, on a pris des dispositions. Il y a du café, des sandwichs. Le café est gratuit, mais pas les sandwichs. Je rappelle que j'ai semaine, c'est 10 heures dans la présence de Dieu, 8h30, 18h30. Bien. Ça 10 va, c'est heures d'affilée. Tout à fait, non-stop. D'accord. Ça va se passer au CPE, le CPE qui a l'école de gendarmerie et l'INSAT dans le même périmètre que la radiofréquence vie. Je laisse des contacts. Le 07 14 52 18, 07 14 52 18, le 03 66 81 17, 03 66 81 17, car la marche devient dure. Ce sont les dieux qui marchent. C'est cela. Geste Mané, 11e édition. C'est pour ce samedi 15 février. Pour en parler, nous étions avec l'apôtre Jules Arugis Joseph. Soyez en remerciés. Que Dieu vous bénisse. Parlons musique avec Dame Sei. Bonjour. Bonjour, très cher. Bonjour également à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie. D'accord. Vous êtes là pour nous parler de qui aujourd'hui ? Aujourd'hui, depuis lundi, depuis mardi, nous sommes là pour parler de la sortie officielle du maxi-single du chanteur René Ismaël Achia, Jésus est au contrôle. Donc un massé single de combien de titres? De 5 titres. On pourrait en avoir quelques titres. Sans calculer, le premier qui est d'ailleurs le titre promo, Jésus au contrôle, Loué Yahweh, Mon cas est urgent, et puis un medley à la fin. Et c'est quoi le nom du massé single? Du massé single, c'est Jésus au contrôle. Parce qu'en toutes circonstances, Jésus doit être au centre et au contrôle de notre vie, là où nous marchons, là où nous sommes, même au travail, partout et partout. Jésus doit être au contrôle. Et Dame CI a expérimenté cela? Bien sûr. C'est pourquoi je suis là ce matin pour en parler. Je dis que c'est quelqu'un, c'est un consacré. Voilà, tout simplement. Il est véritablement consacré. D'accord, bien dit, Dame CI. Alors, pour avoir ce massé single, qu'est-ce qu'on fait? Disponible partout, 3000 francs. Et puis, ils sont disponibles également à 6 différents contacts. Et il faut le dire qu'il est aussi disponible pour aller dans vos différentes assemblées. Pour nous donner maintenant les contacts. Et 42 40 91 97. 42 40 91 97 ou le 07 83 06 33 ou encore le 09 65 66 45. Des concerts, on va dire Jésus au contrôle. Oui, Jésus au contrôle. Bien sûr. Merci. Merci à vous. Dame Zé, merci à toi. Moi aujourd'hui, je veux t'honorer par ces mélodies. Emmanuel Yellow, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui motive élégamment votre présence ici ce matin? Eh bien, merci de me recevoir. Je viens pour intervenir sur l'événement, le dîner Famille Royale de Dieu, qui est organisé par Colomb Productions. C'est un dîner qui a pour thème comment réussir son mariage. Donc, ça sera une occasion où, justement, cette problématique va être abordée dans tous ses différents paramètres pour aider les couples. Justement, les couples mariés, les couples non mariés, les célibataires et les personnes seules à pouvoir gérer au mieux leur mariage, réussir en fait ce mariage, puisque l'objectif c'est cela, réussir le mariage. Donc comment réussir son mariage, c'est de ça qu'il s'agira justement ce jour-là, le 21 février 2020. Le vendredi 21 février. D'accord, ouais. La participation est à 20 000 francs le couple. 20 000 francs le couple et pour les singles ou si vous voulez les célibataires, c'est 10 000 francs. D'accord, il aura un message ou bien comment ça va se passer concrètement? C'est un dîner. Un dîner, donc il y aura des chantres, il y aura les gens vont manger, il y aura aussi le message, donc la formation, c'est une formation qui sera donnée par qui? Qui sera donnée par Charlemagne Soubia, qui est orateur et qui est de Campus pour Christ. Il est aussi consultant coach international le club 700 de CBN. Voilà, il intervient et ses émissions sont diffusées sur plusieurs télévisions, dont EMC TV. Voilà, et donc c'est celui-là qui a de l'expérience, qui va aider justement les couples à pouvoir entrer dans une autre dimension justement de leur mariage. Mon mot de fin, c'est inviter le maximum de jeunes, le maximum de personnes à participer à ce moment. Et, vous revenez sur la date? La date, c'est le 21 février, le 21 février de 18h30 à 20h30. Voilà. Le lieu, c'est le CPE, la salle climatisée du CPE. Voilà, et donc il faut venir nombreux. Les tickets sont en vente dans ces lieux-là, Fréquence Vie, CPE. Il y aura aussi, il y a le Secours des Plateaux, il y a le Centre Bio Santé, Engrais Terrain. Et puis, qu'est-ce que je peux ajouter encore? C'est que les contacts sont les suivants. Vous avez le 01 06 65 32. Vous avez le 75 27 03 05. D'accord. Voilà. Emmanuel Yellow. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Crois-tu que tu n'es réussi? Merci beaucoup, Yao Emmanuel, là, du côté de la baie vitrée, en tout cas pour cette bonne sonorité musicale, on va dire. Nous sommes avec Dame Oyekola Grasse. Elle est là pour parler de l'album de Belle Facture de Marie-Christelle Dibi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. D'accord, on vous écoute. Je suis là ce matin pour vous présenter l'album de l'adoratrice Marie-Christelle Dibi qui s'intitule « Marc déposé Jésus-Christ ». Marque déposée Jésus-Christ, c'est-à-dire La marque déposée Jésus-Christ Nous savons tous que lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, touche, pose sa touche ou pose sa marque sur une chose ou une personne sans valeur, du coup la chose ou la personne a de la valeur. Voilà. D'accord. Un album de combien de titres ? De 11 titres. 11 titres, pourrais-je avoir quelques titres ? Jésus va arranger. Et celui qu'on entend en fond sonore, c'est quoi ? C'est quel titre ? Je n'ai rien mérité. D'accord. Rien mérité. D'accord. Ensuite ? Nous avons Sois loué. Nous avons la puissance d'en haut. Nous avons Jésus. Nous avons Il se lèvera. Amour divin. Le chandelier. Toi et moi. Si brillé. J'ai cherché. D'accord. Vraiment, c'est bon. Et les thèmes abordés ? On a la grâce. Nous avons la grâce de Dieu. Oui. Nous avons une histoire d'amour avec Jésus. La persévérance. La persévérance. Et puis, c'est, je peux rajouter en disant que cet album est vraiment un témoignage. D'accord. Un témoignage parce que la chanteuse a vécu une histoire vraiment d'amour avec Jésus. Nous savons tous que Jésus nous ramasse de quelque part. Tout à fait. Il nous donne une forme. Des ténèbres à son admirable lumière. Oui, il nous donne une forme qu'il faut. Et puis, il nous fait briller vraiment. Tout à fait, c'est le potier. Oui. D'accord. Ouais, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, pour avoir cet album, qu'est-ce qu'on fait ? L'album est disponible à la radio Fréquence Vie et dans toutes les librairies chrétiennes. Voilà. C'est combien ? À seulement 3 000 francs. 3 000 francs, d'accord. Les contacts ? 69 13 52 80 03 32 69 06. D'accord. Et la disponibilité de Marie-Christelle Dibir ? Oui, je tiens à souligner. Oui, elle est vraiment disponible. D'accord. Je tiens à souligner qu'elle sait dans une église. D'accord. Parce que de nos jours. C'est un ministère pour elle. Oui, c'est. On peut l'inviter, On peut l'inviter partout. D'accord. On peut l'inviter partout. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci. Tu pleures, cherchant qui pourra te secourir. Tu regardes devant, personne. Tu regardes derrière, personne. Tu regardes à gauche, personne. Tu regardes à droite, ah. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus.